La Roberto Carlos est sauvé. J'mélange Siroc et Guarana. Ma chaîne et mon poignet t'es bloué. Je la repue la Madonna. Du sang sur la 27ème bougie. Enfant seul et armé comme Jonah. Les gens qu'à derrière tu vas rougir. Y'a des sous des 11-43. J'emmène maman faire les boutiques. C'est ma meilleure amie, c'est mon public. On suit ni la raison ni la logique. Convite aller le pronostic. Longtemps que je suis pas allé à l'église. Longtemps que je suis pas parti voir papa. Si demain Dieu tout puissant me donne un fils, je ferais que penser à s'il était là. Ansel, vroom vroom, drive-by, ça fait chuter le prix du mètre carré. J'suis ici chez moi, comme les mecs de chez moi, tout le temps mal garé. Ansel, vroom vroom, drive-by, ça fait chuter le prix du mètre carré. Grande liste d'amis, plus ou moins proches, y'a des prénoms barrés. J'lance dans la trousse, doré dans la chose. Flingue dans les blousons, tu sais qu'on n'est pas tous seuls. Doré dans la tourette, doré dans la fouille, ouais. Les liens qu'on a noués, grandis dans la fournette. J'lance dans la trousse, doré dans la chose, ouais. Flingue dans les blousons, tu sais qu'on n'est pas tous seuls. Doré dans la tourette, doré dans la fouille, ouais. Les liens qu'on a noués, grandis dans la fournette. Tête dure comme Charles Bronson, s'ils font transe. Petite logistique. Véhicule déjà garé dans le box. Oh, les petits ils ont rien. Tu vas leur prendre quoi? Leur apprendre quoi? J'ai confiance mais je vais recompter. Trop la faim pour en lancer. Je respecte moi l'homme depuis que j'ai un chien. Regarde-moi bien. En vrai même un marron ici qui te le donne sans arrière-pensée. Sur la vie de ma mère ce qu'on te donne c'est déjà bien petit enculé. J'ai un grand 45 comme Nicky. Anonyme comme Eden Wiki. Deux dans le box au cas où, chelou si t'es contre nous. On arrive genre Ocean's 8, c'est qu'on repart genre hit. C'est qu'on nous félicite, c'est qu'on nous plébiscite. Tu vas flouter les têtes, ça pue l'illicite. J'lance dans la trousse, doré dans la chose. Flingue dans les blousons, c'est qu'on n'est pas tous seuls. Doré dans la tourette, doré dans la fouille, ouais. Les liens qu'on a noués, grandis dans la fournette. J'lance dans la trousse, doré dans la chose, ouais. Flingue dans les blousons, c'est qu'on n'est pas tout seul. Doré dans la tour, ouais, doré dans la fouille, ouais. Les liens qu'on a noués, grandis dans la fournette.